Chapitre 13. Maurice d'Harville à Angéline de Montbrun. Mademoiselle, je vous remercie simplement. Ni le bonheur ni l'amour ne se disent. Du cœur ému dans ces divines profondeurs, ce sont des larmes qui jaillissent. Dieu veuille qu'un jour vous connaissiez l'ineffable douceur de ces larmes. Mademoiselle, puissiez-vous m'aimer un jour comme je vous aime. Vôtre à jamais. Maurice d'Harville.